Jonas, le second valet de chambre de Guy et de Sylvain, invite un certain Isidore Salingue, qui a demandé à les voir, non pas à boire un pot, mais à entrer dans la chambre des deux reporters. La porte s'ouvrit et Jonas fit entrer le quidam annoncé. C'était un homme assez bien, fort correctement vêtu, une quarantaine d'années environ, qui ne présentait aucun signe particulier digne d'être retenu, mais dont les yeux avaient une expression bizarre, comme absente. « Messieurs, commença-t-il, je m'excuse vivement de venir troubler votre repos à une heure aussi tardive. »« Matinale, » rectifia Guy. « Oui, c'est ça, matinale. C'est la même chose, mais à l'envers. Mais la personne qui m'envoie m'a bien recommandé de venir vous trouver aux toutes premières heures de la matinée. »« Mais encore une fois, monsieur, grogna Silva, qui vous envoie ?»« Je ne sais pas, monsieur. Comment vous ne savez pas ?»« Eh non, monsieur, c'est un monsieur qui m'a dit, allez-y de ma part. » Alors, c'est ce que j'ai fait, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi je vous dis, je viens de sa part. Oui, oui, dit Guy, après avoir échangé un coup d'œil d'intelligent avec Sylvain. Et dites-moi, monsieur, monsieur Salingue, monsieur Isidore Salingue, pour vous servir. Oui. Dites-moi, monsieur Salingue, comment est-elle la personne de la part de qui vous venez et dans quelles circonstances avez-vous fait sa connaissance? Eh bien, monsieur, ça s'est passé cette nuit vers 2 heures du matin. Je rentrais chez moi, après avoir célébré comme il convient le stage day, lorsque, passant dans la rue du Genou qui enfle, j'ai aperçu un groupe de messieurs qui paraissaient être de fort bonne humeur. Chantaient, riaient très fort. Quand, messieurs, jugés de ma surprise et de mon intérêt, l'un de ceux-ci m'aborda. Il était, la vérité m'oblige à le dire, fort débraillé, et de façon que je n'hésiterai pas à qualifier d'indécente et d'attentatoire aux bonnes mœurs. Il avait retiré son pantalon, qu'il portait sur le bras, et sa chemise était si courte qu'elle le couvrait à peine. L'ombilic, oui, l'ombilic. Et il ne portait ni slip ni caleçon, messieurs. Et c'est alors que, me désignant quelque chose qu'il m'était impossible de ne pas voir en raison de son gabarit et des circonstances, ce monsieur me dit, « Dis donc, mon petit père, si tu veux un petit pain, c'est le moment d'en profiter. »« Volontiers, monsieur, lui répondis-je, le plus courtoisement du monde, mais s'il vous plaît, avec un bol de café au lait. » Ma répartie, messieurs, lui plus fort. Il m'emmena, après s'être ajusté, boire avec ses amis, quelque chose chez lui. Nous bavardâmes, il me demanda ce que je faisais, je lui répondis que j'étais agent de fabrique. Et c'est là-dessus, messieurs, qu'il m'a dit, « Allez d'en trouver, messieurs, Guy Lanneuf et Sylvain et Thierry. Vous ferez certainement affaire avec eux. Mais allez-y très tôt le matin et dites que vous venez de ma part. Voilà, messieurs, toute l'histoire et pourquoi je le présente à vous, n'est-ce pas, de sa part. » Eh bien, ce que je pensais, s'écria Guy, c'est signé Léon la migraine. Tu parles, approuva Sylvain. Il va être gilé comme une banquise. Il nous payera ça. Puis, s'adressant à Isidore Salingue, « Mais enfin, monsieur, il ne vous est pas venu à l'idée de lui demander son nom ?»« Eh non, monsieur, puisqu'il m'a dit, allez-y de ma part. » C'était plus que suffisant, puisqu'ainsi j'ai pu dire que je viens de sa part. Bon, enfin. Et peut-on vous demander, monsieur, ce qui nous vaut l'honneur de votre visite ?»« Je vous l'ai dit, monsieur. Je vous l'ai déjà dit, oui, je suis agent de marque. Je représente quelques-unes des plus grosses affaires de la région. Et je me suis permis de venir vous faire mes offres de service. Les articles que je vends, messieurs, sont tout premier ordre. Et leurs prix soigneusement étudiés sont des plus intéressants. » Guy et Sylvain soupiraient. À suivre, laborieusement et péniblement. Guy et Sylvain reçoivent en soupirant mais poliment un certain Isidore Salingue, se présentant en tant que représentant de commerce et qu'agent de marque, qui est venu pour leur faire ses offres de service. « Eh bien, monsieur les Sylvains résignés, nous vous écoutons. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer ?»« Ah, voilà, » dit Isidore Salingue. « Quoi ? Ah, voilà. » Si je dis « Ah, voilà, messieurs, ne croyez pas que c'est par simple fantaisie, c'est que à présent, je vais me trouver aux prises avec les plus graves difficultés. Voilà, messieurs. » Il est inutile, n'est-ce pas, il est inutile de chinoiser davantage, mais je dois vous l'avouer, je suis amnésique. » Les deux amis ouvrirent de grands yeux. « Mais, monsieur, fit observer Guy, nous ne sommes pas médecins. Je le sais, monsieur, je le sais, mais je sais surtout que cet état complique considérablement ma tâche, en sens que je ne suis qu'amnésique partiel. Et alors? Et alors, messieurs, je sais parfaitement qui je suis, où j'habite. Je me rappelle très bien ce que je suis venu faire ici, mais je ne suis pas fichu de me rappeler ce que j'ai à vendre. Voyons, monsieur Lysilva, c'est inconcevable. Enfin, vous avez bien des catalogues, des références que vous pouvez consulter. Ça ne m'avance à rien, monsieur. Je les regarde, je les compulse, mais ça n'éveille aucun souvenir dans ma mémoire défaillante. Et aujourd'hui, messieurs, mon amnésie, toute partielle qu'elle soit, atteint un degré peu commun d'acuité. Allons, monsieur, dit Guy, impressionné malgré tout par ce cas singulier, faites un effort, essayez de vous rappeler. J'essaie, monsieur, tant que je peux, mais en vain. Voyons, dit Sylvain, on va essayer de vous aider. Alors, est-ce que vous vendez de la chemiserie, de la lingerie, des chaussures, des tissus, de la chapellerie? Peut-être, monsieur, oui, peut-être, mais je ne me souviens pas exactement. Guy vint à la rescousse. Du vin, des alcools, des articles de sport, des voitures, de l'épicerie, du matériel pour chemin de fer, de l'huile, des produits coloniaux, de la vaisselle, de la moquette, du luminaire. Je ne sais pas, monsieur, je ne sais pas. Ah, monsieur, c'est abominable. Avoir de si jolies choses à vendre, il ne peut pas se rappeler ce que c'est. Et le pauvre homme se mit à sangloter. Troublé, Guy et Sylvain ne savaient plus que dire ni que faire et maudissaient intérieurement Léon. Isidore Salinque finit par se calmer. Excusez cet instant de faiblesse, messieurs. Alors, voyons, qu'est-ce que je vous marque? Et il sortit un carnet de commandes de sa poche. Mais, monsieur, dit Sylvain interloqué, vous allez marquer quoi? Les quantités, monsieur, les quantités. Et quand ça me reviendra, car ça me revient parfois, je mettrai les articles en gare, alors nous disons 18,50 m. Guy s'énerva, mais 18,50 m de quoi? N'en sais rien, monsieur, s'emporta Isidore, mais j'ai certainement parmi tous mes articles quelque chose qui se mesure en mètres. D'ailleurs, je vais vous faire un petit assortiment. Donc, 18,50 m en 110 ou en 140 de large, comme vous voudrez. Alors, en 90, bon. Ensuite, 26 pièces, 45 rouleaux, 50 kilos, 125 litres, 5 coupons, 18 paires, une grosse, 4 douzaines, 5 demi-douzaines, 15 boîtes, 10 coffrets, 7 appareils, 8 instruments. Voilà, messieurs. Dès que je me rappellerai la nature de la marchandise en rapport avec les quantités que je viens de noter, je vous les ferai parvenir contre remboursement. Et vous serez satisfaits, messieurs, très satisfaits, je vous le promets. Au revoir, messieurs, et à l'avantage. Isidore Salinque salua et disparut. Guy et Sylvain, dépassés par l'événement, prirent le sage parti de se rendormir sans plus y penser. Ils firent bien, car quelques jours plus tard, ils recevaient un jeu de dames, une pièce d'andrinople et un tonneau d'anchois, avec une carte d'Isidore Salinque portant ces mots « Le reste suivra sous quinzaine ». À suivre, avec indulgence de panier et miséricorde de pendu. C'est la frustration du bonheur qui, le plus souvent, empêche les gens d'être heureux, a dit Sigmund Freud, le célèbre psychiatre autrichien, né à Freiberg en 1856 et mort en 1939, à la fin de sa vie. Cette année-là, en raison de l'exceptionnelle réussite des fêtes de l'Eustache Day, le mois de mai, sur tout le territoire d'autres lieux, y compris les confins, fut prolongé de 6 jours pleins. Car du côté d'ailleurs, ça ne se passe pas comme du côté d'ici. Et à autres lieux tout particulièrement. On ne s'embarrasse pas des vaines contingences qui, du côté d'ici, maintiennent le calendrier dans le cadre imposé par des règles strictement rigides et immuables. Du côté d'ailleurs, c'est très différent. À un mois marche-t-il bien, le temps se maintient-il au beau, et les affaires sont-elles prospères, c'est vite réglé. On le prolonge, sans autre forme de procès. Par contre, si ça ne marche pas bien, on pratique l'opération inverse. C'est, par exemple, ce qui s'est produit pour le mois de février dernier. Un mois pas fameux, pas catastrophique, non, mais vraiment pas fameux. Ça n'a pas traîné. Le 25 au matin paraissait au supplément illustré du journal officiel le décret suivant. En raison des circonstances et dans l'intérêt supérieur des intérêts publics et privés, le présent mois de février prendra effectivement fin demain 24 à minuit juste. Et à minuit une, le mois de mars raccordé démarrait tranquillement et sans heurts à la satisfaction de tous. Cette formule est excellente, elle donne au déroulement de l'année du mou, de la marge et de l'élasticité. Il n'est pas rare que les comptes de fin d'année ayant été soigneusement apurés, on se retrouve au 31 décembre avec un excédent de 6, 8, 10, 12 et même 15 jours. On les met précieusement de côté et, estant les besoins, on les répartit équitablement en cours d'exercice, au mieux des nécessités mensuelles. Donc, Immédiatement après ces 6 jours de rabiot, le mois de mai termina sa brillante carrière et le mois de juin fut mis en chantier. Ah, le mois de juin à autre lieu. C'est quelque chose. Car si le mois de mai est le mois le plus beau, le mois de juin est le plus grand, le plus noble et le plus harmonieux. C'est le grand mois, le mois de la grande saison d'autre lieu, le mois des grandes solennités, des manifestations et des réceptions élégantes, toutes uniformément placées sous le signe du luxe et de la bienfaisance. Bref, juin autre lieu, c'est le mois des grandes fêtes, non plus cette fois populaires mais mondaines. Et à qui rivalisera d'éclat, de trouvailles et de faste, nuit de la fourrure, des bijoux, de la haute couture, du prêt-à-porter, le chapeau, des parfums, des arts, de la danse, du théâtre, du cafcon, du cinéma, des lettres, des imprimés, de la chancellerie, de la plomberie, du gaz, du conseil d'État, du conseil aux jeunes mariés, des contractuels, de la voiture d'occasion, etc., etc. Chaque nuit un bal, un souper aux chandelles, un casse-croûte aux bougies, tous se surpassant en originalité et en magnificence. L'un des plus courus parmi tant d'autres est le grand gala organisé au bénéfice de l'organisation des organisateurs de gala qui est tout simplement merveilleux. Et tout ça pour venir en aide aux déshérités de l'existence, aux malheureux qui n'ont pas eu de chance à la loterie de la vie. Pendant tout ce mois, la philanthropie est reine et la bonté se débite à la pression. Mais malgré tout, il est une nuit qui laisse loin derrière elle toutes les autres nuits, si grandioses soient-elles. Si la nuit des pauvres, organisée par le Snob Club d'autres lieux, est placée sous le haut patronage de la Ligue pour la reconnaissance des pauvres. C'est une nuit unique dans les annales des grandes nuits de la grande saison d'autres lieux. Elle se donne en l'hôtel duc de la Roche-Tarpeyenne et de la duchesse née Brunehild de la morte saison. Guy et Sylvain ne pouvaient évidemment manquer d'assister à cette nuit exceptionnelle. Léon la migraine leur en avait longuement parlé et ils piaffaient d'impatience en attendant l'heure de s'y rendre. Enfin, le moment tant espéré arriva. Sans leur donner d'explication et sans doute pour piquer leur curiosité, Léon leur avait déconseillé très vivement la tenue de soirée. Vous feriez remarquer inutilement, leur avait-il dit, et vous risqueriez même de ne pas être admis. Comment, c'était insurgé Guy, c'est contraire à tous les usages mondains. Pas pour la nuit des pauvres, avait répondu Léon, un sourire sibyllin aux lèvres. Et comme les deux amis insistaient, il s'était récusé. Tout ce que je vous recommande, avait-il quand même ajouté, c'est de vous vêtir correctement, certes, mais très simplement, et autant que possible, avec des effets usagés et vaguement fripés. Et il n'en voulut point dire davantage. À suivre studieusement et assidûment. Sans vouloir leur en dire l'avantage, Léon la migraine a recommandé à Guy et à Sylvain de se vêtir proprement, mais autant que possible, avec des effets usagés et vaguement fripés, pour assister à la nuit des pauvres. Guy et Sylvain avaient donc scrupuleusement suivi ses conseils et avaient trouvé ce qu'il leur fallait chez un fripier de la rue du Métatarse. Et à minuit pile, ils pénétraient dans la grande cour d'honneur de l'hôtel du duc de la Roche-Tarpeyenne et de la duchesse née Brunehild de la morte saison. Léon la migraine ne les accompagnait pas, car à son club, c'était la grande nuit de l'onanisme à laquelle il ne pouvait décemment songer à se dérober. La cour d'honneur de la tête de la Roche-Tarpeyenne offrait un spectacle qui retint immédiatement l'intérêt des deux journalistes. Vaste et de nobles proportions, de nombreux équipages s'y trouvaient déjà stationnés. Mais pas de longues voitures aux chromes étincelants, pas de landaux ni de coupés armoriés, mais des vélos, des chartons, des pétrolels, des camionnettes, voire 5 ou 6 charrettes de marchands des 4 saisons et 2 douzaines de voitures à bras. Quelques triporteurs également, tous arrangés sans ordre de préséance, un peu à la va comme je te gare. Guy et Sylvain regardaient ça d'un œil étonné, ne réalisant pas très bien. Ils n'allaient pas tarder à comprendre. Ils gravirent lentement les degrés de l'escalier d'apparat, de chaque côté des marches, pas de plantes vertes, ni de motifs de décoration florale, mais des caisses à ordures, des baquets emplis d'eau grasse, des légumes, des reliefs de nourriture, des papiers gras et des boîtes de conserve vides. En haut des marches, 2 laquais en livrée de caisses d'épargne les accueillirent. « Aux cartes d'invitation, s'il vous plaît, messieurs, » fit l'un d'eux en soulevant sa casquette. « Bon Dieu, » s'écria Guy, « on les a oubliés à la maison. » Le second laquais vint à leur secours. « Qu'à cela ne tienne, » dit-il, « vos cartes de visite suffiront. » Mais il n'avait pas non plus de cartes de visite. « Ben, j'ai bien un jeu de cartes à jouer, » dit Sylvain en douce à l'oreille de Guy. « Carte pour carte, donne-en 2, » souffla Guy. Sylvain opina et les remit au laquais. « Si vous voulez bien me suivre, » invita-t-il. Et à la porte des salons, il annonça « Messieurs, 10 de pique et 7 de cœur. » « Vieille noblesse de tripot, sans doute, » fit quelqu'un. Un spectacle enchanteur s'offrit à leurs yeux éblouis. Tous ceux qui, à autre lieu, ont un nom dans l'aristocratie, les arts, les lettres, la politique, les sciences, la diplomatie et la voiture d'occasion, étaient rassemblés là en une magnifique chambrée. Sur les murs des salons, des slogans s'étalaient en lettres d'or. « Vive les pauvres !»« Honneur aux pauvres !»« Les pauvres avec nous !» alternant avec des bons de charbon, des bulletins d'hôpitaux, des certificats d'indigence, de chômage, d'incapacité de travail, d'infirmité, des attestations d'économiquement faibles, des reconnaissances du crédit municipal et des arrêtés d'expulsion. Mais oh, surprise, pas de frac, pas de décolleté, pas de robe de soirée, pas de bijoux, rien en un mot de ce qui fait généralement l'éclat de ce genre de manifestation mondaine. Car par un louable sentiment de tact poussé à l'extrême, par un souci d'humaine mesure et de saisissant réalisme, tout le monde, sans exception, était habillé en pauvre. Le baron Orvietan d'Altérine de Gennemerle, président de la Ligue pour la reconnaissance des pauvres et organisateur de cette nuit, s'approcha des deux amis. « Messieurs Guy Lanneuf et Sylvain Étiré, je gage. »« Oui, oui, je sais. Vous êtes fait annoncer sous les noms d'une aimable et fort spirituelle fantaisie. Mais il point du devoir de ma charge de déceler votre véritable identité. Vive Dieu, messieurs, vous êtes les bienvenus parmi nous et votre qualité de reporter parisien compense, dans une large, quoique certaine mesure, les quartiers de noblesse qui vous font regrettablement défaut. Aussi, messieurs, ne tiens-je à votre entière disposition, foire d'Orvietan de la terrible de Gelée-de-Merle, pour vous mettre au fait de tout ce que vous désirez connaître. » Guy et Sylvain s'inclinèrent devant le gentilhomme et le remercièrent vivement de son seigneurial accueil. « Monsieur le baron, dit alors Sylvain, puis-je vous demander, si toutefois je ne fais pas figure d'indiscret, quelles sont les raisons qui ont motivé cette institution de la nuit des pauvres ? À suivre, avec modération affectée et considération distinguée. » Sylvain demande au baron Orvietan de la terrine de Gennemerle, qui en est l'organisateur, les raisons qui ont motivé la création de la nuit des pauvres. Le baron Orvietan de la terrine de Gennemerle remonta d'un geste gracieux sans pantalon qui manifestait le désir de couvrir son indépendance vestimentaire et répondit « Eh bien, messieurs, voilà, à ne vous le point sceller depuis bientôt 25 ans, nous menons, mes amis et moi, une lutte farouche pour que la pauvreté à l'état pur, entendons-nous bien, soit reconnue d'utilité publique et légalement homologuée, afin que les pauvres aient enfin droit de cité. Il s'agit de doter le pauvre d'un statut moral et sentimental. Il faut, messieurs, que le pauvre prenne conscience de sa valeur et de la place prépondérante qu'il occupe au sein de la communauté. Nos appels ont enfin été entendus en haut lieu, et je suis en mesure d'affirmer que, au cours du prochain conseil du gouvernement, son Excellence Alexandre Leyan, gouverneur général d'Outre-Lieu, signera, approuvé unanimement par l'ensemble des membres de son cabinet, le projet de loi instituant le statut de la reconnaissance du pauvre. Les pauvres, n'est-il point vrai, sont indispensables à la santé morale de la société mondaine et au maintien de son équilibre. Car, messieurs, je vous le demande, il n'y avait plus de pauvres. Que deviendrait alors notre charité, notre philanthropie, notre bienfaisance, nos aumônes? Elle n'aurait plus de raison d'être et serait vouée à une disparition prochaine et sans rémission. Que deviendraient nos ouvroirs, nos comptoirs, nos kermesses, nos bonnes œuvres, nos dames enquêteuses et patronesses? Heureusement, nous sommes là pour veiller à ce que le pauvre, honoré, respecté, conscient de son rôle social, continue à demeurer sans essayer d'en sortir dans sa sphère d'indigence et de demi-misère, afin de donner l'occasion à ceux qui ne manquent de rien de penser un peu à leur moment perdu, à ceux qui manquent de tout. Et voilà pourquoi, messieurs, chaque année, à pareille époque, ces messieurs du comité que j'ai l'honneur de présider et moi-même organisons cette nuit qui, à juste titre, peut être considérée comme la plus brillante des nuits de la grande saison d'Outre-Lieu, la nuit des pauvres. Guy et Sylvain félicitèrent chaudement le baron. « Mais je vous laisse, dit celui-ci, je me dois à tous mes invités, et veiller à ce que nulle fausse note ne vienne troubler l'harmonie de cette inoubliable manifestation de philanthropie professionnelle. » Les deux amis portèrent alors leur pas au hasard des salons parmi la foule de plus en plus dense au milieu de l'euphorie générale. Ils prêtèrent l'oreille aux propos qu'échangeaient entre elles deux jeunes femmes du meilleur monde. « Ma chère, qui vous a fait ce ravissant ensemble de pauvresse ? Ça vient de chez Sotispifre. Oh, adorable, délicieux, quel chic, quel galbe. Oui, n'est-ce pas? Assez réussi, mais quel travail. Le plus difficile a été de réaliser les reprises et les filochures. Merveilleux, merveilleux. On dirait que vous allez travailler, mais c'est à s'y méprendre. Un vieux gamin vêtu d'une sorte de vareuse délavée, une chemise militaire et d'un pantalon aux genoux pochés, s'approcha des deux journalistes en une attitude humble et implorante. « S'il vous plaît, mes bons messieurs, je m'en commande à votre bon cœur pour nourrir ma femme et mes quatre enfants. S'il vous plaît, messieurs, ça vous portera bonheur. » Le baron de la Terreine de Gelenmerne accourut et entra un continent dans le jeu, contenant à grand-peine son hilarité. « Allons, allons, réprimanda-t-il sévèrement, vous avez très bien clairement décidé d'être interdit sur le territoire de notre Dieu. Allez où circuler, vous appelez à l'agent. » Cette fine parodie recueillit tous les suffrages et des bravos crépitèrent de toutes parts. Véritablement, tôt dans cette nuit des pauvres, avait été calculé avec une précision digne des plus grands éloges. Pas une faute, pas une erreur, ne risquait de modifier le sens de cette festivité, ni d'en fausser le caractère. Le sempiternel et habituel buffet était remplacé par une soupe populaire, dont les rôles de serveuse étaient tenus par de charmantes comédiennes en caraco, qui ne savaient où donner de la louche, tant l'affluence était grande. « Mais ma parole !» s'écria un diplomate, en désignant un personnage qui s'avançait en titubant, les deux mains crispées sur son estomac. « C'est le comte de Galache ! Comme il est pâle, comme il a les traits tirés ! Oh là, vieux patricien, en quoi êtes-vous donc déguisé ?» À suivre, scrupuleusement et consciencieusement. Thank you.